Ah ouais, non, mais c'est dingue, putain, ce que ça peut fondre vite. C'est impressionnant. Enfin, surtout quand tu arrives à un certain âge. Putain, non, je ferai jamais ça. J'ai des haltères à la maison, je vais m'en servir. She come rolling by you. freight train, freight train, run so fast. Freight train, freight train, run so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I've gone. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da.